C'est une chanson de rien du tout, qui vaut même pas 3 francs 6 sous, même pas la moitié d'un euro. C'est vous dire si elle vaut le coup. C'est une chanson qui fait pitié, elle est née un 14 février, à 20h30 et des poussières, j'étais un petit peu en colère. J'aurais pu l'acheter dans le ruisseau, ou la siffler rien que pour les oiseaux, mais le ruisseau était gelé, et les oiseaux s'étaient taillés. Une chanson de rien du tout, qui vaut même pas 3 francs 6 sous, composée sur un vieux piano, qui joue toujours un petit peu faux. Une chanson pour pas qu'on oublie, qu'il y en a qui sont seuls aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin, qui veulent mourir mais restent sereins. J'aurais pu l'acheter dans le ruisseau, la siffler rien que pour les oiseaux, mais j'ai décidé de la garder, ça peut servir, on sait jamais.